Président, je vous retrouve parce que cette volonté commune du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso de parvenir effectivement à cette levée de suspension au cœur de ces différentes instances régionales, mais surtout continentales, intervient dans un contexte particulier. Un pays comme la Côte d'Ivoire, justement, est-ce que la question que je voudrais vous poser est, est-ce que ces États-là, en l'état actuel, ont intérêt à ce qu'un certain nombre de sanctions soient levées au risque finalement de se faire inféoder et de voir ces dynamiques être définitivement galvaudées? Je rappelle, pour l'élément illustratif que je voulais prendre, c'est le fait que la Côte d'Ivoire, justement, il y a quelques jours, a décidé de rouvrir ses frontières alors que depuis mars 2020, ses frontières sont restées fermées. On connaît effectivement le contexte qui prévaut en Côte d'Ivoire quand on évoque ce pays avec effectivement son rapprochement avec les puissances occidentales qui peuvent à tout moment saper et saquer la stabilité d'un pays, surtout comme le Burkina Faso et le Mali, justement. Quand vous convoquez la Côte d'Ivoire dans un débat comme celui-ci, vous voulez nous énerver, vous voulez qu'on fasse, vous voulez qu'on s'énerve et vous voulez qu'on parle de quoi, qu'on va dire ce qu'on n'a pas encore dit. Non, je comprends, hein. Faites votre travail. Vous savez qu'actuellement il y a un débat, il y a quelques pro-Ouattaristes, ils sortent seulement de l'enfer, ils viennent de l'enfer, qui profitent de l'affaire Martinez-Zogo pour se livrer à une attaque systématique contre le Cameroun avec des arguments de quartier. Ça nous amuse. Ils vont jusqu'à dire qu'on ne parle plus de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que pour ces gens-là, la Côte d'Ivoire, les Macron, les petites fillettes blanches, avec les jupes courtes, peuvent venir s'installer en Côte d'Ivoire, parler de la Côte d'Ivoire. Mais nous, Vandakani et les autres, parce qu'il y a un problème à Tunis au Cameroun, on est interdit de parler de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, avec ce niveau d'argument, quand un régime est obligé d'utiliser de tels arguments pour se défendre, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas défendable. La Côte d'Ivoire, on a déjà dit, M. Ouattara, ce n'est pas un Africain. Il est au service grossièrement des intérêts occidentaux. Ils l'ont placé pour ça. Évidemment que ce qui se passe dans la sous-région, l'émergence de pays du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, évidemment, est la première menace des patrons de Ouattara. Pas de M. Ouattara, c'est un sous-préfet de ses patrons qui, évidemment, lui donne pour mandat de tout faire pour casser ça. Quand vous voyez l'hystérie qui a saisi la CDAO à l'évocation d'une fédération entre les trois pays, mais ça vous dit l'hystérie, c'est la panique totale. Tout à fait. Tout la panique totale. Et cette hystérie, c'est pas seulement au niveau de la CDAO, hein. C'est même au niveau de l'Union africaine. On a vu l'ordre du jour et Bertrand nous faisait savoir que comment est-ce qu'un problème, un dossier pareil n'est pas officiellement retenu pour faire l'objet d'un débat. Ce qui se passe entre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée vous démontre une fois de plus que l'Union africaine n'est pas une organisation panafricaniste, n'est pas au service de l'Afrique. Je ne parle pas de la CDAO. Quelles sont la CDAO et l'Union africaine? Ce ne sont pas les mêmes modèles. Regardez, les mêmes modèles. Allez lire les textes. C'est pratiquement les mêmes modèles. Donc vous voyez très bien que on est là dans une annexion de l'idée panafricaniste, une annexion de l'idée panafricaniste par une organisation qui a en réalité un gang de voyous, de mercenaires qui ont décidé de trahir l'Afrique. L'Union africaine est une organisation traîtresse qui est au service de la trahison du continent africain. Moi, ce qui me fait mal, ce sont tous ces présidents qui vont se réunir là-bas, s'associant, n'est-ce pas, à la trahison du continent africain. Je dis tous ces présidents qui vont s'asseoir là-bas. Tous ces présidents qui jouent ce jeu-là. Mais ils trahissent l'Afrique en plein, tout le monde est en train de voir. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, ce sommet-là, écoutez, là, je vais vous expliquer, vous allez voir. On nous dit, vous avez dit que bon, il y a des spécialistes d'économie qui sont sur la table, ils ont parlé. Mais on va dire un mot à propos. C'est quoi? C'est la Zeleka ou la Zeleka, cette bêtise-là. C'est la plus grande estoquerie de l'histoire de l'Afrique qui peut exister. C'est quoi un marché africain? C'est quoi cette affaire? La priorité des Africains, c'est d'ouvrir un marché africain. Quel est le niveau des échanges entre les pays africains? C'est à quel niveau? Le taux n'est pas assez élevé, en tout cas. Vous êtes gentil? Vous ne voulez pas dire le taux? C'est une honte. Quel est le taux? Les gens n'arrivent pas à commercer déjà au niveau de la sous-région entre eux. Au niveau de la sous-région entre eux. Et on vous crée un marché continental, on bavarde. C'est quoi ce qu'a fait? Mais quand l'étranger, on écoute ça, mais les gens rient. Ce marché, vous attendez à ce quoi? C'est une commande de l'Union européenne. Tout à fait. C'est la contrepartie des salaires que l'Union européenne verse à ses fonctionnaires, à ses mercenaires du 21e siècle. C'est de cela qu'il s'agit. C'est la contrepartie du salaire. Qu'est-ce que vous croyez? Alors nous parlons, mais regardez la géopolitique mondiale, elle se dessine devant vous. L'économie, c'est d'abord la géopolitique. Vous vous enseignez ça? L'économie, c'est la géopolitique. L'économie et la géopolitique marchent ensemble, main dans la main. Voilà, ils sont là, ils savent. Voilà l'économie, demandez-les. Il n'y a pas d'économie sans géopolitique. Vous pouvez faire de l'économie sans géopolitique, et vice-versa. Là, ce marché, machin-là, c'est la contrepartie des salaires que l'Union européenne verse à l'Union africaine. Mais bon sang, bon Dieu, mais quelles sont les malédictions là? C'est, donc les Africains sont pas en mesure de payer les salaires à l'Union européenne de leurs fonctionnaires. Et vous continuez à faire croire que c'est une organisation africaine, ça? Elle a même pas été en mesure de souffrir un siège. Ils sont allés mendier, pleurer devant les Chinois pour que les Chinois leur donnent un siège. Et après, ils se plaignent que les Chinois ont truffé les micros, ont vérifié. Mais c'est normal. Bien sûr. Des mendiants ne l'ont pas dit. Ce sont des mendiants. Ils ne sont même pas en mesure de souffrir un siège. Et ils parlent au nom de l'Afrique. Vous êtes sérieux? Donc, à l'heure actuelle, observez bien, il y a quelques mois, là, ça ne fait même pas deux semaines. Vous n'avez pas vu deux criminels venir au nom de l'Union européenne visiter l'Union africaine, monsieur Joseph Borrell et l'autre Tintin. Et qu'est-ce qu'il est venu vous dire? Ils ont laissé sur le plateau. Je pense que c'était vous qui faisiez l'émission. Je vous ai bien dit les enjeux de cette visite. Je vous ai bien dit qu'ils sont venus se plaindre que la position de l'Afrique concernant la guerre en Ukraine ne les arrange pas. Et moi, je vous ai dit qu'ils vont poser des exigences sur la table en cachette à l'Union africaine. Si je paye ton salaire, c'est moi ton patron. C'est moi qui détermine l'ordre du jour de tes sommets. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les Africains, non? C'est quoi avec les Africains? L'Union africaine n'est pas une organisation africaine. Arrêtez de croire que c'est une annexe de l'Union européenne. Ce sont des traîtres. Ne rêvez pas. Il y a la telle commission, il y a un grand traître. Et le président africain joue ce jeu. Parce qu'eux-mêmes sont des marionnettes de l'Union européenne. Parce qu'ils veulent garder, on ne sait pas quelles entrées à l'Union européenne. Ça rapportait quoi à l'Afrique depuis? Alors le monde est en train de basculer, de changer. Au lieu de prendre de vraies décisions, ils viennent trahir le compte. C'est un coup de poignard sur le dos de l'Afrique qui se passe là, devant vous. Devant vous. À l'heure actuelle, vous avez vu la guerre en Ukraine. On vous dit, tout à l'heure on a fait un débat sur l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on observe? Les Américains ont totalement vassalisé l'Union européenne. L'Union européenne a été créée par les marchés financiers américains sous le parapluie militaire américain de l'OTAN. Il était question de créer un marché financier, d'élargir les marchés financiers pour les financiers. Deuxièmement, fin de l'Union européenne, un prolongement de l'économie américaine. Alors où l'Ukraine est en train de vivre, alors de l'Ukraine, qu'est-ce qu'on voit? Washington est venu encore renforcer leur vassalisation et en train, et en faveur de la guerre, de transférer toutes les économies, toutes les entreprises européennes aux États-Unis. En jouant sur le levier du gaz. Bon, les Européens vont rester. Et qu'est-ce qu'ils font? Battus par leur père qui les fouette, parce que les Américains les fouettent derrière, ils fouettent, ils font les yens. Une véritable vaurienne, une traîtresse, on la fouette, ils fouettent les députés européens, ils les fouettent. Puisque les Américains détruisent le Nord Stream. Maintenant, c'est connu, maintenant, ça commence à, des gens courageux commencent à avouer. Dis-moi comment les Américains posent un acte de guerre contre l'Union européenne. Aucun des gens européens ne dit rien. Le petit bavard de Paris, là, qui joue au grand, là, le bavard, le parrain de la Chine Bembe, ferme sa bouche, il rase les murs. Pourtant, la France est actionnaire. Il rase les murs. L'Allemagne tremble comme ça. Il ne disait rien. Maintenant, la vérité est connue, c'est clair. Un acte de guerre. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'ils font? Comme d'habitude, l'Europe est finie. Ils viennent retrouver les marges des marges économiques où? En Afrique. À travers quoi? Votre zone de saleté que vous appelez zone de libre de marché de bêtises. Quel pays africain? Quels sont les pays africains? Quels sont les champions africains qui vont gagner dans ce marché? Quels sont les champions africains capables de produire, n'est-ce pas, et de rentabiliser ce marché pour le compte de l'Afrique? C'est seulement un seul. C'est qui? C'est une basse-cour. Donc, ce que l'Union européenne est en train de perdre dans la guerre en Ukraine, elle veut récupérer ça dans ses zones de libre-échange. L'Afrique n'a pas besoin d'une zone de libre-échange. Elle a besoin d'un marché contrôlé sur le plan géopolitique par l'Afrique au service du développement des pays africains et de son enrichissement. On vient de vous démontrer que les outils pour le faire n'existent pas. Ils ne veulent même pas parler. Mais ils vous parlent d'un marché. Donc c'est quand même une situation très grave de voir que en plein jour comme ça, des Africains trahissent leur continent en plein jour et en échange des miettes et d'un poste de président qu'on a promis à ce traître qui joue au bas, il dit qu'il est président de la commission là. Mais comme Dieu ne doit pas, maman, t'es là. Oui, ah oui, oui. Dieu ne doit pas. Quand tu trahis, on te voit. Bien sûr. L'Union africaine, les Africains doivent rejeter de toute leur force cette organisation. Elle ne sert pas l'Afrique. Elle ne peut pas servir l'Afrique. C'est ce qu'il s'agit. Donc, ça, c'est notre honte en plein 21e siècle. Quand les étrangers nous voient, les Chinois nous regardent, les Chinois sont venus offrir un siège à l'Union africaine. Et tu veux parler fort un Chinois sur la base de quoi? Hein? Les Chinois sont ici dans les pays africains. Ils posent des actes répréhensibles, ils considèrent les Africains comme les êtres humains. Oui, pourquoi? Mais on vous a offert un siège. Vous voulez s'asseoir, vous dites que on a les raisons de l'unité africaine, l'Union africaine. On n'est pas à mesure, les dirigeants africains sont à mesure de cotiser, de prendre des mesures. Quels les dirigeants africains, les chefs d'entreprise, il y en a. Pas les prénoms qu'on appelle des faux prénoms là, des marchés financiers internationaux, ne sont pas à mesure de s'asseoir, lever, faire une table ronde, lever de l'argent et construire au continent africain. Vous vous rendez compte? La honte au niveau mondial, c'est ce que ça représente. C'est une grosse trahison. Et depuis qu'ils savent que les vrais panafricanistes sont là, le travail qu'on fait les jeunes à un temps au point où, c'est ce qu'ils font. L'Union africaine, tous les fonctionnaires là qui mangent dans les mains de l'Union européenne, développent des discours dans certains médias, dans certaines enclaves médiatiques qu'ils ont pu conquérir à tel endroit et tel endroit. Ils parlent de panafricanisme responsable. Voilà un nouveau concept. Donc, il y a un panafricanisme irresponsable, un panafricanisme responsable. C'est quoi le panafricanisme responsable? Ils passent leur temps à vociférer dans leurs médias en disant que non, vraiment, hein, oui, être panafricaniste, c'est pas déclarer la guerre à l'Occident. Vous vous rendez compte? Des gens vous déclarent la guerre. Toi, tu viens dire que non, nous ne déclarons pas la guerre. Mais tu es normal. Des gens vous déclarent la guerre, ils ne cachent même pas en plein jour. Mais toi, tu t'enflammes, tu dis que non, vraiment. Bon, tu m'as déclaré la guerre, moi, je ne veux pas faire la guerre avec toi. Et il te dit que je suis en train de te faire la guerre. Et toi, tu dis non, je ne veux pas faire la guerre avec toi. Donc, un pareil discours. Donc, ils sont en train de vouloir inventer un panafricanisme qui va aller s'asseoir à l'Union africaine, parler avec les Blancs, n'est-ce pas? Comme tu as vu là, ils sont pleins dans la salle, dans l'Union européenne, ils sont pleins dans la salle. Plein dans la salle, et pour divertir les gens, ils disent que non, on chasse Israël. Israël doit partir d'ici. Mais vous recevez l'Union européenne, vous chassez Israël. Voilà la différence. Le patron de l'Union européenne, c'est qui? C'est que le patron de l'Union européenne, c'est pas Israël. Vous voyez des choses comme ça, c'est-à-dire que ça fait pleurer, hein. Ça a fait pleurer de voir ça. C'est-à-dire qu'il faut, avoir des mots très durs envers ces gens. L'Union africaine, c'est une organisation criminelle, à la limite. C'est un crime de trahir un continent comme ça en plein jour, de vendre un continent comme ça. C'est une bande d'esclavagistes. Ils vendent les Africains en plein jour. Moins cher. Regardez l'agenda qui est devant vous. Quand on parle, les gens pensent qu'on blague. Vous ne pensez de suivre une histoire depuis un bon bout de temps, vous dit, on a fait de l'Union africaine un membre du G20. Tout à fait. C'est Washington. Comme une espèce de récompense. Les Africains écoutent ça, ne savent même pas ce que ça veut dire. L'Union africaine, c'est un État. Puisque tous ceux qui siègent, ce sont des États. Très bien, merci. Pourquoi l'Union africaine va être la seule organisation non étatique à aller siéger au G20? On est en train de vous dire que les hommes, on prépare un État bizarre qu'on a créé, ce qu'on appelait l'Union africaine, et qui aura pour rôle de contrecarrer toute dynamique d'émancipation du continent africain. Oui. C'est là qu'il s'agit. C'est ça. C'est qu'il s'agit. C'est qu'est-ce que l'Union africaine va faire au G20? Vous parlez au nom de qui? Je ne sais même pas. Parlez au nom de qui? Il y a plus grave. Il y a une autre histoire qu'on a inventée pour flatter les égaux des Africains. Un siège au Conseil de sécurité. Vous voyez tous ces dirigeants qui ne mènent aucun combat, qui sont des faux présidents, tous, vous dites que non, vraiment, on est content, c'est vraiment, ça va être. C'est une récompense. Le Macky Sall, il veut tuer son co. On se régale, on casse sa voiture, on casse la vidéo, on le violente. Hein? Macky Sall. Non, c'est une avancée. Nous ne voulons pas un siège au Conseil de sécurité, on ne veut pas de ça. Il faut réformer ce machin, soit le dissoudre, ou bien tous les pays africains. L'Afrique a 52 États, allez, 52 droits de veto. Voilà, 55 droits de veto, c'est ça qu'il s'agit. Vous dites que vous êtes pour la démocratie, non? C'est pas ça. Mm-hmm. C'est une démocratie comme ça, où d'abord il y a 5 membres autoproclamés au Conseil de sécurité, où vous les donnez un siège au Conseil de sécurité. À 55. Un continent qui a 55 États. C'est qu'elle a fait ça. Quel est le pays africain qui va parler au nom de 51 États en même temps? Le Gabon. Le Gabon, hein. la Côte d'Ivoire. L'Afrique du Sud. Je te dis que c'est pour lui. La Côte d'Ivoire. Présent. Mmh. Allons-y. Le Maroc. Le Maroc. Voilà les gens qui parlent. Il faut arrêter ce que vous me dites là. Nous ne voulons pas, je répète, nous ne voulons pas d'un siège. On d'abord, un siège qu'on vous donne cadeau, ce n'est pas un siège. Ce n'est pas un siège. Vous flattez les Africains. Parce que dans leur plan maintenant, ils ont suffisamment affaibli les États africains. Vous comprenez? Parce qu'il faut bien réaliser les choses. Hein. Pourquoi on veut dire l'Union africaine va arriver au G20? Un, ils estiment que dans le plan, ils ont suffisamment affaibli les États. Voilà un continent qui n'a pas d'État. La RDC brûle, sans dire rien. Et l'organisation criminelle qui parle au nom de l'Afrique. Le Sahel brûle, sans dire rien. Et j'ai même posé le moindre acte. Allant dans ce centre-là pour essayer d'apporter même un semblant, merci, de solution. Il y a un président de la communauté. Il porte les verts, ses cheveux sont blancs. On sait pourquoi ça blanchit. La trahison fait blanchir les cheveux. Bien sûr. Vous comprenez? Donc vous voyez les gens comme ça, qui n'ont aucun projet pour un continent, mais qui viennent s'asseoir et s'amuser avec un continent. Les Africains, nous ne voulons pas, je répète, un siège conseil de sécurité, ce n'est pas une avancée. C'est pour les naïfs. Vous comprenez tout à fait. Donc vous voyez comment on propose cette affaire. Vous avez vu l'Union africaine face au Covid, non? Vous avez oublié. Quelle était la position de ce truc-là? Et son président comme ils sont aux cheveux blancs là. C'était quoi? N'apportez les vaccins. Hein? L'Afrique a besoin de vaccins. Ayez pitié de nous, on va mourir. Il y avait pour vacciner qui? Il y avait un malade ici en Afrique. C'est-à-dire que le gars ne sait même pas qu'il n'y a pas de malade chez lui. Hein? Il est tellement étranger à l'Afrique, il n'est pas de voir que l'Afrique a vaincu le Covid. Quand le Covid est arrivé aux frontières africaines, le Covid a fini seul. Le Covid a dit que comme c'est une maladie, comme c'est un vaccin qui avait les yeux, c'est un virus qui avait les yeux et les oreilles, il est arrivé aux frontières, il dit que bon, moi je n'entre pas ici. Le continent, si je n'entre pas ici. Mais le président de l'Union africaine t'a dit non, vraiment, il faut rendre le vaccin avec Macky Sall, une calamité. Macky Sall, non, on veut les vaccins pour soigner qui? Ouattara. Vous voyez une organisation comme ça, qui est composée d'affamés, hein, qui, dès qu'ils sont payés en euros, jouissent. Tout le niveau, c'est que chaque mois, on envoie leur salaire. Et qui puisse convertir les euros en francs CFA, ils vont se vendre dans les quartiers, aller épater les petites filles, jouer la vie, voyager, machin et consort. La financière africaine au niveau le plus élevé. C'est incroyable. Donc, quand on parle de ça, c'est pas un jeu. Nous sommes en guerre contre l'Union africaine. Ne blaguez pas. C'est une guerre. Parce qu'une fois, et comme si le président là, se soit assis, tout le problème, c'est qu'on s'appelle président. Ils sont là. Dès qu'ils saluent deux blancs, ils jouissent. Je suis président. Un blanc m'a salué. Je suis un chef d'État. Comme celui qu'on Niger. Je suis un chef d'État. Ils passent partout. Je suis un chef d'État. Mais tu es président, tu continues à crier pourquoi? Je suis un chef d'État. Tous les présidents africains, le problème c'est que ça se soit créé des rires avec les blancs. Des rires avec les blancs. Ils sont en train de voir comment on est en train de les traîner dans une affaire qui n'a pas de sens. Que l'Union africaine va aller siéger au G20. Pourquoi? Et il y a un projet. Mamad porte ça. Ce projet est porté par l'Union européenne. À savoir, essayer d'élever le président de la Commission au même niveau que le président. En fait, c'est la réforme qu'ils veulent faire. Parce que depuis, c'est dur, mais c'est ce projet. Qu'est-ce qu'il y a dans ce temps? On veut élever le président de la Commission au niveau des chefs d'État, de manière à créer un conflit ou bien de contrebalancer la conférence des présidents. Qu'est-ce qu'une conférence, comment il va appeler ça? De dormeurs, de sommeilleux. De dormeurs, de sommeilleux. Bon, ils dorment quand même, ils sont sommeilleux, ils dérangent. Parce que l'Union européenne dit, moi, ils vous donnent l'argent, bougez. Comme les gars ne bougent pas, ils prennent notre argent pour ne rien faire. On dit, ok, il faut qu'on élève la Commission, n'est-ce pas, au niveau, au même rang que vous. Qu'il ait un statut de manière à ce qu'il puisse qu'on parle au nom de l'Afrique. C'est ça la démarche qu'il y a derrière. Alors, ce président vient s'asseoir, comme ils sont toujours en train de commander l'argent au monde entier, de chercher, ils s'asseyent, et parce qu'ils sont trop sages, ils vont coincer d'autres statuts. Non! Non! Si vous ne profitez pas de l'opportunité qui est donnée par les changements géopolitiques au niveau de l'Ukraine, mais ils vont vous coincer. Parce qu'eux, ils poussent les pions petit à petit. Ils poussent des pions. Vous arrivez au G20, on vous dit, ok, l'Union africaine est là. Ok. Nous passons par l'Union africaine. Vous voulez des financements. Ça commence comme ça. Hein? Que vous voulez des financements, passez par l'Union africaine. Vous voulez ceci, passez. Voilà. On commence à vous imposer sans le dire. À des présidents qui n'ont jamais réfléchi de leur vie pour leur peuple, que tout leur problème c'est de voyager dans les hôtels en Europe, mettre les enfants en Europe, jouer aux petits blancs, qui n'ont jamais réfléchi. Vous êtes coincés. Ouais. Vous êtes coincés. Et on divise l'Afrique encore une fois de plus en 4, en 5 morceaux, n'est-ce pas? En 5, 6 morceaux. Ça ne les dérange pas. Et après, les grands vont aller s'asseoir en haut. et débattre sur votre solo, que vous avez déjà divisé. Donc, Fabrice, on ne peut pas accepter ça. D'accord. C'est un crime. Notre rôle est de dénoncer ça, avec la dernière énergie, de dire que tout ça, ce n'est pas à notre nom. Nous, on ne se reconnaît pas dans les résolutions de l'Union africaine. Et il ne faut pas qu'ils se trompent. Hein. Ils pensent qu'on est assis ici en bavard. Depuis 10 ans, les gens ont bien compris qu'ici, ce n'est pas le bavardage. Il y a une puissance ici. Nous, on ne se reconnaît pas dans l'Union africaine. C'est qu'elle dit là, ça ne marche pas. Nous, on ne se reconnaît pas dans la ZELECA. Nous, c'est les États-Unis, on ne se reconnaît pas. Ça ne marchera pas. D'accord. Ça ne marchera pas. On ne se reconnaît pas dans ça. Comment on ne se reconnaîtra jamais derrière une Union africaine qui va siéger au G20 au nom du continent africain? Qu'ils aient là-bas avec leur nom. Et comment veut-il qu'ils prennent la veille, ils vont mettre dans leur vrai pays, qui est l'Union européenne. D'accord. Merci à vous, Président Badakani. Afrique Média, le monde, c'est nous.